Mexique. Et là, dernièrement, finalement, on va beaucoup plus parler du Mexique, puisqu'aujourd'hui, on va de nouveau être sur le Chiapas, précisément. On a une petite préparation qui a été faite par les copains des Trois Passants qui se consacrent essentiellement à la lutte des prisonniers politiques et donc à une mobilisation autour et une solidarité autour des prisonniers en lutte. Et là, dernièrement, il y a eu justement une grève de la faim qui a été entamée et terminée maintenant aujourd'hui par des prisonniers au Chiapas. Donc, ils nous ont préparé un petit programme qui dure un peu plus de 30 minutes avec des petites coupures musicales qui nous reprennent un petit peu leur histoire de pourquoi ils sont emprisonnés, de ce qui leur est arrivé en prison, de pourquoi ils sont mis en grève de la faim et de ce qu'il en est donc aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première partie de l'émission. Et donc, j'en profite aussi sur la deuxième partie de l'émission. On aura normalement Guillaume qui devrait arriver un peu plus tard pour nous parler de la Milpa, de ce qu'ils font comme travail justement avec les artisanes zapatistes au Chiapas, donc au Mexique. Et on aura peut-être la visite de Tadzio, qui est un copain italien et qui donc a peut-être des choses à nous raconter, mais on n'est pas encore sûr qu'il vienne. Donc, on sera en tous les cas donc centré sur le Chiapas aujourd'hui. Et j'en profite pour vous dire, s'il y en a qui ne nous écoutent pas jusque la fin, que le samedi 10 décembre 2011, là, donc d'ici peu, finalement, ça arrive vite, il y a un marché solidaire et des projections qui est organisé au CICP 21 Terre rue Voltaire dans le 11e métro rue des Boulets. Et donc c'est de 14h à 20h où il y aura donc pour le marché solidaire plusieurs associations dont Échange Solidaire, donc l'association dont on parle souvent puisqu'on distribue le café. Il y aura également donc du café donc oui évidemment et de l'artisanat du Chiapas, donc de l'artisanat zapatiste, seront présents donc la Milpa, qui est donc une autre association qui travaille elle directement avec des coopératives zapatistes, mais là une autre zone que l'artisanat qu'on peut voir. Enfin, c'est surtout aussi un autre travail, on en parlera aussi avec Guillaume tout à l'heure. Il y aura le comité de solidarité avec les Indiens d'Amérique qui, en général, ont des super t-shirts et de la documentation, des livres. Il y aura le comité de solidarité avec les... le comité de solidarité avec le peuple du Chiapas en lutte qui aura aussi une table de presse où, en général, on se fait aussi les diffuseurs là, pour Promedios. Donc, il y aura les films de Promedios et la table de presse. Il y aura également, entre ici et là-bas, qui... s'occupe de distribuer de l'huile d'olive, du savon à l'huile d'olive et de l'artisanat donc palestinien que vous avez déjà peut-être rencontré. Et Atanka, qui est une coopérative de consommateurs et producteurs jouisseurs et militants et donc qui distribue des produits bio et paysans. Donc on les avait déjà reçus au mois de juin. Ils parlaient donc justement de cette petite coopérative qui distribue des produits sur Paris et c'est des commandes uniquement par Internet. Donc il y a des produits à déguster, des commandes possibles de bons produits et les faucheurs d'OGM qui donc seront présents avec leur bière. Et pour les films, et donc on pourra projeter plusieurs films puisqu'on on a le temps de 14h à 20h. Donc on va commencer et finir par un petit documentaire qui dure 22 minutes. Le titre, c'est Sitle Kilum, le fruit de la bonne terre. Et donc, c'est un film qui a été fait par les producteurs de café eux-mêmes sur leur production et leur vision. Et ils s'adressent directement à nous, notamment les acheteurs européens. Ensuite, il y aura la projection. Donc, ça commence à 14h30, plus ou moins, les projections. Donc, à 15h30, il y aura Le crime de Zacarias Barrientos, qui est un film de 52 minutes. Qui est un film documentaire plutôt, sur un homme qui a été trouvé mort au Guerrero en 2003 et qui donc lui avait des antécédents où il était un formateur, il a fait partie il a été pris dans la campagne anti-guérilla et donc ensuite il a servi d'informateur. Donc finalement voilà, c'est toute une question sur... sa disparition. Et ensuite, on a une sélection de courts-métrages de Wakiponi à partir de 17h15. Donc là, on reste sous réserve parce qu'il faut leur demander l'autorisation. On n'a pas encore eu l'autorisation. Donc si on ne peut pas projeter les courts-métrages de Wakiponi qui sont... Wakiponi, c'est un projet de formation audiovisuelle québécois destiné à enseigner le cinéma aux jeunes des populations autochtones Et donc voilà, si on n'a pas l'autorisation, on projettera probablement d'autres films de Promedios. Et donc on finira, comme je l'ai déjà dit, sur le petit film de la coopérative de Sitlekilum. Donc comme on ne l'avait jamais projeté, c'était important que ceux qui veulent le voir puissent avoir une chance de le voir. Donc on l'a mis en début et en sortie. Voilà, donc merci d'être là le samedi 10 décembre pour le marché solidaire des projections de 14h à 20h, 21 Terre rue Voltaire, donc au CICP, Centre International de Culture Populaire. Et le 18, donc le dimanche suivant, au CICP toujours, donc toujours 21 Terre rue Voltaire, le collectif contre culture, le CCC, organise un concert. Et donc là, les bénéfices iront à un projet pour développer la santé dans les communautés. C'est en tous les cas la proposition de départ pour la programmation. Par contre, je n'ai pas de petit papier pour vous donner l'information, mais vous pourrez, je pense, facilement trouver sur Internet ou au CICP la programmation pour le 18 décembre, donc concert de solidarité avec les communautés zapatistes. Comme d'habitude, en général, c'est plutôt en fin d'après-midi. Donc là, je vous laisse pour 35 minutes avec une petite préparation faite par les trois passants sur la question des prisonniers au Chiapas et leur lutte toute dernière. À tout de suite, ou tout à l'heure, plutôt. ¿Con qué dando clases de guerrilla, no, cabrón? No, yo doy clases de matemáticas. Nada tiene que ver con la guerrilla. Muy machito, pendejo. Tú también arrodíllate, hijito. ¿Qué es lo que querían allá arriba? Ya agarramos a todos sus líderes. Ahora vamos a enseñarles a ustedes a no andar tan revoltosos, ¿eh? Levanta las manitas. ¡Paro! ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Dónde quieres tu patadita, eh? En las costillitas. No, mano, ahí me vas a desgraciar. Ahorita les vamos a dar su revolución, cabrones. ¿Qué hace? ¿Con quién vive? ¿Con quién convive? ¿Dónde vive su familia? ¿Dónde trabaja? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuál es el preferido? ¿A qué hora caga? ¿A qué hora mea? ¿A qué hora se despierta? Queremos todo sobre ese culero. Busquen todo lo que puedan. Recuerda no despertar sospechas. Ya después chingamos a todos. Hay que desaparecerlo primero. Luego les cobramos a esos pendejos. Después les metemos un plomazo. Al cabo son subversivos. Nadie sabe de ellos. Si seguimos buscando preguntas, nunca llegarán las respuestas. Hay que apresarlos, secuestrarlos, matarlos. Otra historia más de presos políticos. Terrorismo de Estado. ¿Hasta cuándo? Dime tú cuándo. Seguirá el sometimiento físico y mental hacia nosotros los que luchamos. Si la gente dejara de ser lo que era, el resultado será acribillado. Tal vez cuando nuestras demandas se cumplan, ni esos cabrones ni nosotros estaremos aquí para verlo. Pero todo a su tiempo, y su tiempo se acaba. La gente ya está cansada, no se traga ya sus falsas pendejadas. Mentiras, manipulación masiva, farsa televisiva. Pero esto, lo que nadie quiere ver, algunos lo tenemos que vigilar. Añoro todo aquello que no vi ni en pintura. Libertad a presos políticos, para policías y gobernantes sepultura. Cada verso para mí es una victoria, quedará en la mente de muchas personas. Esto es en memoria de todos aquellos muertos de Atenco, Acteal, Oaxaca, terrorismo de Estado, México se levanta. Son las que pedimos: liberación con vida de presos políticos, juicio y castigo a todos los responsables de la tortura y de la desaparición de compañeros en el país, y que termine la guerra sucia en contra de todos los luchadores sociales, como el comandante Lucio Cabañas, listos para la batalla. Nadie nos para, globalizaremos la resistencia, militarizaciones de Estado, fuera, es el comienzo del cambio. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú esperas? El pueblo no va a dejarnos solos. abuelo no va a dejarnos solos. El movimiento popular es perseguido sistemáticamente. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! La otra campaña ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, todos, todos, todos, todos, todos. En 2005, avec la publication de la 6e déclaration de la forêt Lacandone, la Sexta, diverses organisations, groupes, peuples et individus se sont joints à l'appel de Leuze d'Hélène pour construire un mouvement anticapitaliste, civil et pacifique, en bas et à gauche, que nous appelons l'autre campagne. Depuis la publication de la Sexta, les adhérents à l'autre campagne et les bases apisapatistes ont vu s'abattre brutalement sur eux une répression de plus en plus forte. Pour tous nos compagnes et compagnons des luttes emprisonnées, nous avons déclaré. S'ils en touchent un, ils nous touchent tous. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Depuis septembre 2008, a été lancée la campagne nationale et internationale. Primero nuestros presos. Le message de cette campagne est que chaque compagne et compagnon qui est emprisonné ne sera pas abandonné. Ces efforts et actions ont déjà permis la libération de beaucoup de compagnes et compagnons, comme dans les cas de Atenco, de Oaxaca, du Chiapas, de Monterrey, de Puebla et de Campeche. En solidarité contre l'oubli des prisonnières et prisonniers de notre campagne, nous vous présenterons leurs histoires, leurs luttes, leurs expériences, leurs combats et leurs voix. Presos políticos, libertad! Presos políticos, libertad! Sud-est du Mexique, état du Chiapas, prison de San Cristobal de las Casas, prison de Motocintla, prison de Cintalapa. Alberto Patistán Gómez, porte-parole de 13 prisonniers appartenant aux organisations La Voz de la Mate, Los Solidarios de la Voz de la Mate, Voces Inocentes et à la communauté de Mitziton, déclare aujourd'hui, 29 septembre, nous sommes en grève de la faim et grâce à Dieu, nous sommes là tranquilles avec les compagnons. Comme je vous le disais, c'est pour démontrer qu'il y a une grande injustice dans ce pays. C'est ce que nous faisons actuellement, avec la grève de la faim indéfinie, et certains sont en jeûne. On est à l'extérieur, sous un préau, dans la cour de la prison, organisé en piquet de protestation, en grève de la faim et en jeûne. Elle et ils exigent leur libération immédiate. Suite à cette annonce, les familles des prisonniers installent un piquet de protestation sur la place centrale de la ville de San Cristobal de las Casas, où elles organisent leurs manifestations et la diffusion de l'information et où des émissions radio sont diffusées en direct. Qui sont ces prisonniers et prisonnières ? Ils s'appellent Alberto Patistán Gómez, Rosario Díaz Méndez, Pedro López Jiménez, Juan Collazo Jiménez, Alejandro Díaz Sentis, Alfredo López Jiménez, Rosa López Díaz, Enrique Gómez Hernández, Andrés Núñez Hernández, José Díaz López, Juan Díaz López, Manuel Heredia Jiménez, Juan Jiménez Pérez. Ils et elles sont tous indigènes, ont été condamnés à des peines allant de 14 à 60 ans de prison pour des délits fabriqués par les autorités. Elle et ils n'ont pas eu accès à un avocat ni à un traducteur. Elle et ils ont tous été torturés pour leur faire signer des aveux. Elle et ils appartiennent à plusieurs organisations. La Voz de la Mate, organisation de prisonniers née dans la prison El Amate et qui a pour but de dénoncer les conditions carcérales et l'injustice dont fait l'objet les détenus, ainsi que de faire sortir leur voix à l'extérieur. Cette organisation a déjà lancé en 2007 une grève de la faim de 40 jours qui a permis la libération de tous les participants, près de 50 prisonniers, sauf celle d'Alberto Patistán, alors porte-parole du mouvement. Le Solidarios de la Voz de la Mate, organisation plus récente, est solidaire à la Voz de la Mate. Elle est composée de prisonniers n'ayant pas participé auparavant à des mouvements ou des luttes. Las Voces Inocentes est une organisation qui est née après la grève de la faim en 2007. Elle est composée d'ex-détenus et de leurs familles pour dénoncer les conditions de détention et l'injustice. Un de ses membres a été réincarcéré sous de fausses accusations de meurtre quelques mois après sa libération suite à la grève de 2007. La communauté de Mitziton est une communauté indigène, membre de l'autre campagne, qui défend ses terres contre des projets touristiques qui veulent les expulser et dont deux personnes ont été incarcérées. Durant cette grève de la faim, les grévistes ont subi de nombreuses pressions et harcèlements. Le 13 octobre, les deux prisonniers de Mitziton, Manuel Heredia Jiménez et Juan Jiménez Pérez, sont libérés. Le gouvernement essaye de diviser les grévistes en diffusant des fausses informations dans la presse. Informations aussitôt démenties par un communiqué de la communauté de Mitziton, apportant sa solidarité aux grévistes, exigeant leur libération. L'administration pénitentiaire augmente la pression en harcelant les grévistes dans les prisons. Les prisonniers sont photographiés jusque dans leurs cellules. Un psychologue harcèle Rosa Lopez et menace de lui enlever son enfant de 2 ans qui vit avec elle en prison. Juan Collazo est menacé d'être envoyé au Mitar s'il n'abandonne pas son jeune, à quoi il répond en se mettant en grève de la faim. Les prisonnières et prisonniers ne cèdent pas aux intimidations et continuent. Le 20 octobre, Alberto Patistán Gómez, porte-parole des prisonniers et qui était à l'origine de la grève de la faim de 2007, est transféré dans une prison de haute sécurité à plus de 2000 km du Chiapas. Il y est enfermé en cellule 23 heures sur 24 et n'a le droit qu'à une visite tous les 3 mois par une personne de sa famille directe. Le premier contact direct avec lui n'a pu être effectué que le 8 novembre, où sa fille qui l'a visité a fait part de ses conditions de détention et a dénoncé le fait que l'administration pénitentiaire lui ait retiré ses médicaments pour son glaucome. Le 28 octobre, Natanael López López, le premier enfant de Rosa López Díaz et d'Alfredo López Jiménez, âgé de 4 ans, meurt car les hôpitaux du Chiapas ont refusé de s'en charger car les grands-parents qui le gardaient n'avaient pas de ressources. Natanael était né avec une paralysie cérébrale suite aux tortures que sa mère, Rosa, enceinte de 4 mois, avait subi lors de son arrestation. Les parents n'ont été avertis du décès que le 2 novembre, les empêchant ainsi d'assister aux funérailles. En réponse à cette injustice, Alfredo s'est déclaré, en plus de la grève de la faim, en grève de la soif 12 heures par jour. Le matin du 4 novembre, les prisonniers et prisonnières adressent ce message à tous. Bonsoir compagnons et compagnes qui nous écoutaient dans cette émission et dans cette fréquence libre. Aujourd'hui, 7 octobre 2011, nous rendons public notre décision d'arrêter notre grève de la faim. En raison de la gravité de notre situation de santé, étant donné que nous avons eu beaucoup de complications au niveau de nos états de santé et avant que ne soit plus difficile notre récupération physique, nous avons décidé d'arrêter notre action de grève de la faim, mais cette décision ne signifie pas que nous renonçons. Au contraire, nous continuerons à lutter toujours pour la justice et la liberté de tous. Alors je veux aussi dire que pendant les 39 jours de grève de la faim, le gouvernement a ignoré les demandes du peuple et de nous tous. Mais ce n'est pas une raison pour cesser de lutter. Mais au contraire, nous continuerons à lutter avec plus de courage et nous le démontrerons dans nos luttes. Nous continuerons d'exiger la liberté et le bien-être de tous. Finalement, je veux aussi remercier tous les compagnons et les compagnes qui se sont joints et qui se joindront toujours à nos exigences pour la justice et la liberté de tous. Alors, compagnons et compagnes, aujourd'hui, nous les prisonniers de la Voz de la Mate, Voces Inocentes et Solidarios de la Voz de la Mate, rendons publique notre décision d'arrêter notre grève de la faim pour des raisons de santé. Certains parmi nous subissent déjà des pertes de mémoire. L'état de santé de plusieurs prisonniers s'aggravait, c'est pour cette raison que nous avons arrêté. Mais nous ne renonçons pas parce que le gouvernement nous a demandé de le faire, mais au contraire, nous renonçons à cause de notre situation de santé qui s'est aggravée. Et pour pouvoir continuer à lutter, tant qu'il y a de la vie, il y a une espérance pour continuer la lutte. Toujours pour la liberté, pour la justice et le bien-être de tous. Et je demande aussi au gouvernement qu'il intervienne en nous rendant la liberté qui nous revient, qu'il nous rende la liberté qu'il nous a volée. Nous continuons à exiger et à exhorter au gouvernement notre remise en liberté, comme celle du compagnon Alberto Patistán Gómez, qui se trouve aujourd'hui incarcéré dans la prison de Guasave, Sinaloa. Nous exigeons que le gouvernement fédéral intervienne immédiatement pour la liberté de nous tous et pour celle de tous les prisonniers politiques dans ce pays. Merci beaucoup, compagnon. La grève de la faim est désormais finie. Les autorités, qu'elles soient locales ou fédérales, ont fait la sourde oreille durant toute cette grève, en espérant qu'ils crèvent en silence. Mais, comme le disent les prisonniers, nous continuerons à lutter avec la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y aura des possibilités de continuer la lutte pour la justice et le bien-être de tous. Mais nous n'allons pas le faire comme le mauvais système le voudrait. Elles et ils ne crèveront pas. Leurs voix ne seront pas tues. Elles ont déjà dépassé les frontières du Mexique et sont portées par plusieurs collectifs au niveau international. Alberto Patistán se trouve dans une prison de haute sécurité. Le 8 novembre, sa fille, Gaby Patistán, a pu le visiter. Cette semaine est sortie une commission pour aller visiter mon papa. Nous sommes partis lundi matin et arrivés mercredi à Guasave. Nous sommes arrivés à la prison qui est encore en construction. Nous avons pris quelques photos que nous allons vous montrer plus tard. Nous avons parlé à l'assistante sociale et nous lui avons remis les papiers nécessaires pour les visites, car il faut faire beaucoup de démarches administratives et ici la réponse peut durer 15 jours. Mais est un membre de la famille directe. Nous avons le droit à une autorisation de visite provisoire. Ces types de visites se font séparer par un hygiophone. Ils m'ont donné 20 minutes après avoir attendu 4 ou 5 heures. Ils m'ont donné 20 minutes pour entrer dans la prison. Une fois à l'intérieur, ils m'ont fouillé comme d'habitude. Seulement qu'ici, c'est plus compliqué de passer. Alors j'ai pu voir mon papa, mais malheureusement, je n'ai pas pu l'embrasser comme je voulais. Je pouvais seulement le voir à travers une vitre qui nous séparait, comme on le voit dans les prisons des gringos. Cette prison est un peu pareille. Alors il m'a raconté comment s'est passé son transfert de prison, comment est-ce qu'il a été pris par les autorités, comment il a été trompé par les directeurs de la prison numéro 5 qui, pour l'isoler, lui a dit que les autorités du gouvernement l'attendaient dehors. Alors mon père les a suivis. À ce moment-là, le directeur a dit au gardien, prenez-le. Il n'a pas pu se défendre ni communiquer avec personne. Ensuite, il est passé par différentes prisons et finalement, il est sorti par l'aéroport de Tapachula au Chiapas, d'où il a été amené ici à Guasave, Sinaloa. Je veux aussi rappeler que mon père est malade des yeux. Il souffre de glaucome. Pour soigner sa maladie là-bas au Chiapas, il suivait au moins un traitement qui stabilisait et contrôlait la maladie, puisque malheureusement cette maladie ne disparaît jamais. Mais au moins avec un traitement adapté, on pouvait le stabiliser. Mais la situation actuelle, ici où il se trouve, ils ont suspendu les traitements. Ils ont donné des gouttes pour les cieux, mais ces médicaments-là n'ont rien à voir avec sa maladie. Et il lui en donne seulement une fois par jour. Actuellement, sa vision continue à se dégrader et il souffre d'une gêne constante. C'est ce qu'il m'a demandé de communiquer aux personnes et aux médias pour qu'ils se rendent compte de comment cela se passe et puissent faire quelque chose pour qu'ils reçoivent l'attention médicale adaptée. Il m'a remercié et il m'a demandé de remercier les organisations qui l'ont accompagné. Et vraiment, il garde l'espoir. Et il est confiant. Pour lui, les choses n'arrivent pas par hasard. Et donc, il a confiance en son innocence. Et aussi, il fait confiance aux compagnons qui demandent sa liberté. C'est tout ce que je peux vous dire parce que j'ai eu très peu de temps pour parler avec lui. Gloria Arenas est une ex-prisonnière politique. Elle a passé 10 ans en prison et a été libérée le 28 octobre 2009. Gloria, qui a connu les prisons fédérales, nous apporte son témoignage suite au transfert d'Alberto. Les transferts du compagnon Patistán vers une prison fédérale constituent une représaille. C'est une punition contre le mouvement, clairement contre la grève de la faim, contre les familles des détenus, contre les prisonniers et contre les mouvements en général, car cela nous affecte tous. Et je t'ai dit cela parce qu'en effet, il y a une différence. Les transferts de compagnons est une punition dans les sens où les prisons fédérales, la majorité d'entre elles, sont des prisons de haute sécurité. Je ne connais pas exactement la prison des Guasave, mais même si elle est des moyennes sécurité, à l'intérieur du système fédéral, ils sont beaucoup, beaucoup plus stricts que dans les prisons d'État. Écoute, concrètement, nous pouvons dire que dans les prisons de l'État, il est plus facile de conserver de la liberté. Cela paraît contradictoire, mais bien que tu sois en prison, tu conserves la liberté de décider. De décider plusieurs choses que tu peux faire de ta vie et de ton temps. Tu peux faire des activités, tu peux lire, tu peux dessiner, tu peux travailler et faire ce que tu veux faire. Faire du théâtre, jouer la guitare, que sais-je. Tu peux écrire, t'informer, lire des journaux, des revues. Et dans les prisons fédérales, ils ne te laissent pas du tout faire tout ça. Non seulement pour ceux qui aient de la liberté des mouvements, du fait que tu es déjà enfermé, mais tu ne vois pas ta famille, et en plus, ils te retirent la faculté de décider. Par exemple, il n'est plus permis d'écrire, ils ne leur donnent même pas de quoi écrire, ils ne peuvent pas écrire, ne peuvent pas dessiner, ils restreignent beaucoup la lecture, car il autorise uniquement les lectures de livres qu'il y a dans la prison, s'il leur donne. Et c'est quelque chose qui est très dur quand tu es prisonnier. Parce que ces petits espaces de liberté que l'on construit, ils le détruisent aussi. Et bien évidemment, le système des prisons fédérales éloigne les prisonniers de leur famille. Et il y a beaucoup, beaucoup de conditions requises pour pouvoir être visiteur, pour rendre visite aux prisonniers. Ainsi, on l'éloigne de ses compagnons, on l'éloigne de sa propre famille, surtout aussi par la distance géographique. Il éloigne bien sûr de ses compagnons des luttes, et ainsi on l'isole. Et c'est ça l'objectif des prisons fédérales. Elles provoquent beaucoup plus d'isolement que les prisons d'État. Les conditions de rétention sont plus dures, plus inhumaines. Déjà, la privation des libertés est difficile. Les conditions d'emprisonnement à la prison de San Cristobal de Las Casas ne sont pas bonnes. Mais alors là, les conditions dans les prisons fédérales sont encore pires. pour les prisonniers. Elles affectent beaucoup plus les nerfs. On est toujours harcelé. Chaque minute qui passe, chaque instant est un instant sous pression. Pour détruire le système nerveux. Et cette mesure qu'ils ont prise de déplacer les compagnons, de les transférer des prisons, est une punition terrible pour les prisonniers, pour sa famille, pour les mouvements de Chiapas et pour nous tous en tant que mouvement. José Diaz et André Núñez viennent d'être libérés sur parole le 15 novembre après plus de 9 ans de prison. Juan Colasso a continué sa grève de la faim pour exiger d'être transféré auprès de ses compagnons de lutte dans la prison numéro 5 de San Cristobal de las Casas, d'où il avait été transféré le 7 octobre 2010 vers Motocintla. Le 16 novembre, Juan a été transféré à San Cristobal et a pu retrouver ses compagnons de lutte. L'administration pénitentiaire empêche toujours les équipes médicales indépendantes d'entrer dans la prison pour apporter l'assistance médicale dont les prisonniers et prisonnières ont besoin. Il et elle sont encore 9 à continuer leur lutte depuis l'intérieur de la prison. Comme l'autre campagne le dit, si nos tocan a unos, nos tocan a todos. Un coup porté contre l'une ou l'un d'entre nous est un coup porté contre toutes et tous. C'est pourquoi la lutte continue et continuera jusqu'à ce qu'ils sortent tous, que ce soit au Chiapas, dans le Guerrero, à Mexico ou à Oaxaca. Alberto. Rosario. Pedro. Juan. Alejandro. Alfredo. Rosa. Enrique. Juan. Nous ne vous oublions pas, la lutte continue. Nous ne sommes pas tous là, il manque les prisonnières et les prisonniers. No estamos todos, faltan los presos, presos y presas, libertad. Non siamo tutti e tutte, mancano i prigionieri e le prigioniere. Presos políticos, libertad! Presos políticos, libertad! Pour plus d'informations sur les prisonniers de l'autre campagne, vous pouvez vous connecter à libérons-les. .wordpress.com Libérons-les sans accent ni espace. Libérons-les.wordpress.com. Gliela un po' più in ostico, critico, mistico, dai mo. Verde una cosa è certa, faccia a faccia con l'inverno. Verde una cosa è certa, faccia a faccia con l'inverno. Bianco stanco, asserrato che non ha quanto. Per la fottuta patria. Lobo por lo río de sangre y el hambre que no para. Y la misma historia se va a nacer. Rosso un amore che non posso accettare. Per la fottuta patria. Lobo por lo río de sangre y el hambre que no para. Y la misma historia no va. Dall'Italia al Messico su un beat dinamico. Connessione oltreoceano in alambrico mistico. Latino alla seconda. Da nord a sud a est dove si trasforma. Sincretismi culturali, lingue si incontrano. Al di là di razze che spesso si confondono. Ritmiche distinte unite contro il potere. E tentando di cercarlo attraverso una rete. Una rete establecida per acabar con la mentira. In una epoca suicida donde el santo solo era vida. Desde la Europa hasta la América Latina. Conexión del pensamiento y resistencia autogestiva. La causa de ellas son las mismas. Uso del capitalismo con la explotación como doctrina. Se olvida lo que dijo Zapata. La calle es de quien la camina. La tierra de quien la trabaja. Stessa bandiera, stessa storia seria. Stessa corruzione, scazia la frontera. La repressione non la chupamo todos. Però resistiamo dentro dello barrio. Rosso, bianco, verde. Colori di ste merde. Che tirano le corde di un sistema enorme alle strette. Frontiere spirri contro lo straniero. Cerrado por cadenas de color en la frontera. Para no dejar a caminar a quien así lo quiera. Yo voto por banderas negras. Por conciencias blancas, solidarias y verdaderas. Verde, blanco, rojo. Y la venda en los ojos. Que no te deja ver la masacre sin los despojos. Los de abajo presa, los de arriba locos. Queriendo moldear cabezas. Ci mobilizamos per percorso. razzi alternativi, seguiamo regni vivi contro sistemi ostili, piceni liberali che chiamano civili, ma qui si combatte senza più creativi, presenti nei quartieri, dentro le comunità, per le strade e nella selva, in solidarietà con chi resiste, con chi passivo non assiste, ma cerca alternativi a questo mondo triste. Mondo triste, sangue in guerra nel barrio, i paralimento se avanza este salario, io a diario, contra este gigante marcado por esos que lo tienen. Ma para allucinando come un quadre da lì, da Bologna a Napoli arrivano all'Udi Street, Wakaka Guerrero già ma smanda Jaira, America, Europa, manca la parlamma, chi sta stanno a scena pazzo tutto quanto, il qualunque conta la regola, seduti sulla stessa favola si dono là, tutti quanti figli di una sola regola, la regola del cazzo di chi li impera, come pecorelle però disposte in schiera, paura, sicurezza, binomio di quest'era qua, qua. Paura, sicurezza, binomio di quest'era qua. ¿Cuál y a dónde? Es la pregunta y está llena de contradicciones. Yo escupo fuego en mis canciones, comparto letras tejidas en la banqueta con el viento de revoluciones. Quiero sembrar autodefensa, expandir conciencias, conectar al mundo con el ritmo de la América frecuencia. Ritmo y rebelde que no miente. Con miles de sueños en la mano, bla, y quiero sembrar unidad, aunque desde arriba esté escurriendo mierda de mi ciudad, quiero gritar libertad, asesinos que marchan de sangre en mi camino, ya cada vez somos más. Verde, una cosa incerta, faccia a faccia con l'inverno. Verde, una cosa incerta, faccia a faccia con l'inverno. Accettare la fottuta patria. Loco por los ríos de sangre y el hambre que no para y la misma historia semana a semana. Rosso un amore che non posso accettare per la fottuta patria. 106.3, vous êtes bien sur FPP, fréquence Paris pluriel. On est ensemble encore un peu plus de, oui, ça fait 50 minutes. Donc, comme tous les troisièmes lundis du mois, donc avec le programme du CSPCL, la jungle des luttes. Donc aujourd'hui, on est centré sur le Chiapas. Donc vous avez pu apprécier, j'espère, la petite capsule que nous a préparé les trois passants. Et donc, il précisait un petit peu, justement, toute la vie des prisonniers, le sort de ces prisonniers. Ils ne sont pas les seuls. On a juste mis en avant ceux qui avaient entamé une grève de la faim et une lutte qui, donc, aujourd'hui, se poursuit autrement, comme ils l'ont bien précisé. C'est juste une étape, la grève de la faim. C'est vraiment des gens en lutte. Pour les avoir rencontrés cet été, j'avais envie de reprendre aussi juste rapidement ce qui était précisé. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a des prisonniers peut-être qui dérangent vraiment politiquement, effectivement, on les passe dans des prisons fédérales. Et sinon, effectivement, dans les prisons d'État, comme j'ai pu le voir, il y a toute une vie à l'intérieur des prisons qui permet donc justement, comme certains prisonniers ont pu apprendre à lire ou à écrire dans les prisons et donc à prendre conscience, à s'informer, à pouvoir lutter, puisque eux-mêmes s'étaient retrouvés là pour des délits fabriqués comme un grand nombre d'entre eux, enfin de tous ceux qui luttent évidemment, et un grand nombre de prisonniers au Mexique en général. Et donc voilà, c'est une vraie vie et donc il y a une possibilité aussi du coup de l'extérieur d'avoir des droits de visite, donc de leur rendre visite, de pouvoir avoir des relations et donc des collectifs de soutien et de solidarité avec les prisonniers politiques actifs. Et donc on les remercie également pour tout le travail qu'ils font sur place et donc justement leur possibilité de nous faire rencontrer ces gens qui luttent et qui sont pleins de force et d'énergie, comme il disait. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et donc, merci à eux pour leur lutte et à tous ceux qui éventuellement veulent nous soutenir, enfin nous accompagner dans toutes les actions qu'on fait. Donc, on en fait peu, on est peu nombreux et peu mobilisés. Mais on vous appelle à venir éventuellement, si vous en avez envie, tous les mercredis à 20h30 au 33 rue des Vignoles, dans les locaux de la CNT, où une salle nous est prêtée tous les mercredis soirs. À 20h30, où c'est une assemblée ouverte, hein, qui, donc tout le monde est invité à venir pour poser des questions, se renseigner, s'informer, apprendre des choses ou proposer aussi des choses. C'est important qu'il y ait des échanges. Donc voilà, tous les mercredis à 20h30, au 33 rue des Vignoles, c'est dans le 20e, à Paris, au métro Avron, ce qui est le plus proche. Et donc, comme on l'avait déjà dit tout à l'heure, donc le marché solidaire et les projections, ce sera le samedi 10 décembre. Donc, il y aura de l'artisanat zapatiste, la bière des faucheurs et Atanka qui propose des produits bio et paysans. Et il y aura également de l'artisanat palestinien et toute une série de petits documentaires, dont des films sur le café. Et on a... c'est dommage, Julie, elle vient d'arriver, justement. On aurait pu parler des prisonniers politiques avec elle. Ah. Donc, en tous les cas, il y a la Milpa. On en a parlé tout à l'heure. Il y a l'association la Milpa qui sera avec nous. Et donc, Guillaume est là et il est membre de l'association, si on peut dire, presque sûrement l'un des fondateurs, si ça se trouve, puisque je crois que tu es un petit peu à l'origine du projet. Donc, du coup, je vais lui laisser la parole pour nous raconter un petit peu l'objectif de cette association. Du coup, vous pourrez rencontrer... samedi 10 décembre, donc au CICP. Et je le précise parce qu'ils ne sont pas toujours là avec nous, souvent quand même, mais donc c'est l'occasion de les rencontrer et de voir ce qu'ils font comme travail et de ce qu'ils ramènent également comme jolies petites choses. Donc du coup, c'est plutôt peut-être un projet qui a déjà plusieurs années, donc, parce que ça fait déjà plusieurs années que vous vendez l'artisanat. Mais oui, on a commencé le projet avec la Milpa, donc enfin en fondant l'association la Milpa en 2006 ou 2007. Donc ça fait maintenant quelques années. Et voilà, on est une petite équipe au sein de l'association, une dizaine de personnes. Le projet de l'association, c'est de travailler avec des groupes de femmes au Chiapas. Donc, c'est des femmes qui sont indiennes, c'est des familles paysannes, c'est des familles qui participent à la lutte zapatiste, qui on les appelle bases de apoyo, c'est-à-dire c'est des membres de du projet zapatiste, des membres de l'organisation. Et voilà, nous on a décidé donc il y a quelques années d'imaginer une forme de à la fois d'échange de solidarité avec ces groupes de femmes. Et voilà, que ce soit, alors il y a plusieurs activités, c'est centré autour de leur projet de production d'artisanat. Ça veut dire que à la fois on participe à la création de nouveaux modèles, parce qu'une des questions qui est assez difficile, c'est de trouver des débouchés commerciaux pour cette production d'artisanat textile. On bosse entre autres à ça, aux questions de commercialisation, chercher des débouchés. Pour ça, on essaye de créer des modèles qui puissent plaire aussi aux acheteurs. Après, il y a toute une partie d'échange avec elles sur les questions de formation, quand elles ont des besoins de formation, sur les questions de pas vraiment de coordination, parce qu'elles sont, c'est comme tous les projets au sein du mouvement zapatiste, il y a un niveau d'organisation qui est déjà assez fort. Alors après, elles ont des particularités en tant que femmes qui font que c'est pas toujours évident pour elles de s'organiser, enfin, ou en tout cas d'avancer dans leur projet. Mais voilà, puis des fois on fait du soutien logistique, enfin ce genre de choses, quoi. Ouais, parce que du coup, quand on dit débouchés commerciaux, c'est effectivement l'idée de pouvoir vendre leurs produits, puisque effectivement, elles, sur place, elles n'ont pas forcément de débouchés. L'artisanat, c'est quand même une activité assez récurrente. Enfin, je pense qu'on peut aussi préciser que c'est des gens qui sont dans une zone tout particulièrement. Vous travaillez avec un seul caracol. Ouais. Et donc, on a souvent eu l'occasion, quand on parle de justement l'artisanat, puisque moi, je travaille justement plus dans un autre caracol avec d'autres gens qui ne sont pas justement formés en coopérative, alors que là, vous travaillez justement avec des gens, avec des femmes précisément, qui, eux, sont dans une zone où il y a une tradition très forte. L'artisanat est une activité tout à fait répandue et courante chez les femmes de cette zone, contrairement à d'autres zones zapatistes. Et puis, surtout aussi, c'est exactement de cette zone qu'il y a eu la première coopérative de café. Donc dans cette zone, c'est des gens qui sont commerçants, qui sont près de la ville de Saint-Cristobal, donc qui sont sur un circuit commercial assez fort et qui ont du coup une tradition aussi de création de coopératives, entre guillemets, quand je dis tradition, c'est-à-dire qu'une organisation, une structure et donc un rapport à la fabrication, au commerce, etc. Et donc des gens avec qui justement, dans un premier temps, les apatistes sont autonomes, on n'a rien à leur apprendre, ou comme ça a priori, mais effectivement il y a quand même toujours de toute façon sur la question des femmes des efforts à faire. Ça dépend des zones, donc du coup aussi ça dépend des groupes, c'est des dynamiques, et donc je pense que c'est effectivement important de pouvoir les accompagner et pas seulement acheter leur artisanat et le distribuer. Du coup nous c'est ce qu'on essaye d'éviter de faire, même si on a un petit peu d'artisanat. Mais du coup, elles sont des modèles, on les prend, on a des housses de coussins. Donc en général, c'est ce qu'on distribue, les housses de coussins de cette zone. Et là, justement, au contraire, vous travaillez à ce qu'il y ait des modèles, beaucoup de modèles d'enfants plutôt, non ? Oui, ça, c'est un des, c'est un des types de produits qu'on a développé ces dernières années. C'est justement des produits pour enfants. Mais oui, pour revenir sur ce que tu disais, nous, c'est le caracol d'Oventic, enfin, les groupes de femmes avec lesquels on travaille, ils sont là-bas. C'est la zone qu'on appelle Los Altos de Chiapas. Et en fait, il y a des traditions de production textile qui sont importantes, qui sont... c'est des tisserandes. La grande majorité des femmes là-bas tissent. Elles tissent sur des métiers à ceinture. Elles transforment ensuite les pièces de tissu en vêtements d'abord. C'est d'abord une production pour leurs vêtements. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Enfin, c'est très important dans leur identification culturelle. Et ensuite, c'est comme tu disais, Los Altos, c'est des organisations paysannes où ils ont des pratiques commerciales qui sont parfois plus... Enfin, le fait d'être plus proche de la ville de San Cristobal, qui sont parfois plus développées que dans d'autres parties du Chiapas. Après, la particularité, c'est que... ça n'a pas toujours été... Il n'y a pas que des... Bon, d'abord, ils sont pas... les femmes ne sont pas toutes organisées en coopérative. Oui. Voilà. Même celles qui sont organisées en coopérative, ce n'est pas forcément un projet de production fluide et facile à mener. Et ensuite, de toute façon, voilà, quel que soit leur mode légal d'organisation, qu'elles soient en collectif ou qu'elles soient en coopérative, après il y a la question de la commercialisation, ce qu'elles peuvent vendre elles au niveau local, c'est quelque chose qui est important pour elles, mais qui en fait présente, il y a un peu des problèmes sur la vente locale. C'est que il y a une très forte concurrence, un marché qui est un peu saturé, qui est en grande partie destiné au tourisme, du coup c'est un marché où il y a beaucoup d'intermédiaires, c'est un marché où les prix sont hyper bas. Oui, c'est ça surtout, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence et en plus une forte concurrence, sachant qu'ils donnent leur produit. Et surtout, ça s'inscrit dans une situation économique qui est plus la réalité économique de beaucoup de projets de production ou de commercialisation dans les villages indiens, c'est que les modèles, c'est encore des modèles coloniaux. C'est ça la réalité. C'est que c'est pas une économie qui permet de payer correctement le travail. C'est une économie d'exploitation, qu'elle soit sous une forme moderne, capitaliste moderne, ou qu'elle soit sous parfois des formes un peu plus mixtes, quoi, parce qu'il n'y a pas que des... Mais de toute façon, voilà, c'est très difficile de tirer un revenu de son travail, quoi. Et je crois que c'est encore plus difficile en tant que femme. Ça, c'est aussi une réalité de là-bas. C'est que on est encore plus corvéable et on a moins de force de revendication. Enfin, les femmes ont plus de mal à se faire reconnaître et respecter, quoi, dans leur projet de production, quoi. Alors évidemment, au sein de l'organisation zapatiste, la donne est assez différente parce que elles sont soutenues, parce qu'il y a une recherche d'égalité et que elles sont soutenues par leur mari, par les communautés entières, quoi. Mais ça n'empêche pas que, voilà, par exemple, elles n'ont pas le même accès à l'éducation que les hommes. Donc du coup, sur certaines façons, c'est plus difficile du coup de développer les projets. Et puis ensuite, elles ont les contraintes de leur travail à la maison, quoi, hein. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'enfants, et donc du coup, c'est voilà. Donc voilà, en même temps, au sein du processus zapatiste, le projet il est clair et il est combatif, quoi. Les femmes sont en train de gagner leur égalité et leur émancipation année après année. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a... Nous, voilà, on trouve aussi notre place, souvent, justement, dans l'appui de leurs revendications, quoi. Et à l'intérieur même de ce processus d'émancipation, etc. Enfin, oui, c'est ça. Ça s'intègre. Ouais, tout à fait, ouais. Parce que du coup, ce qui est bien aussi, c'est pas non, enfin, même s'il y a des produits qui sont décidés un peu par vous-même, entre guillemets, des propositions qui sont faites, l'important aussi, c'est que se les réapproprie et les fasse avec. Puis de toute façon, la base, hein, c'est leur savoir-faire, quoi. Ça, là-dessus, nous, on n'a pas de. Bon, dans l'association, il y a des gens qui ont des compétences dans le textile, mais. Elles-mêmes ont les artisanes de Los Altos, elles ont une très grande compétence, des grandes connaissances dans le textile. C'est des tisseuses remarquables. Elles ont une culture spécifique de la façon dont elles travaillent, la façon dont elles composent avec les couleurs, dont elles composent avec les motifs. Et là-dessus, nous, on part de ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à modifier ça, hein. Après, voilà, on intervient sur la création de nouveaux modèles parce qu'on propose des nouveaux modèles. Il y a des choses qui ne peuvent pas se vendre ici, de toute façon. Il y a effectivement des modèles qui ne peuvent pas se vendre ici par rapport à la taille, par exemple, des enfants, de manière générale, par exemple. Oui, bien sûr. Les enfants sont différents. Ils ont des plus grosses têtes ici, en général. Ouais. Du coup, tu ne peux pas faire les petits bonnets. Uh-huh. Oui, puis il y a aussi après une forme de... Le fait qu'il y a une grande diversité dans ce qu'elles font, mais le marché touristique local aussi a tendance à imposer certains modèles, quoi, hein. C'est ce qui se vend là-bas. Et vu qu'on cherche des alternatives, que ce soit en ramenant de l'artisanat ici en France ou en cherchant aussi des alternatives au Mexique, d'autres formes de vente au Mexique, eh ben, il faut imaginer des modèles un peu différents, quoi. Ouais. Et du coup, uniquement pour les bébés ? Pour les enfants. Pas uniquement, mais ça a été la piste un peu de ces dernières années, c'est de chercher à faire des accessoires et des vêtements pour enfants, petits-enfants et grands-enfants. Mais on continue aussi à vendre des accessoires pour adultes, quoi, hein, des sacs, des écharpes, des porte-monnaies, ça n'a pas de limite d'âge. et comment vous vendez ici, du coup ? C'est plutôt que sur les marchés, comme là, le samedi. Ici, c'est ça, ouais, on participe à des marchés comme les ventes organisées par le CSPCL et Échange Solidaire. Et puis, on participe à des marchés sur des projets de commerce équitable. Ou sur en général c'est ça hein, c'est des réseaux de commerce de solidarité ou et il y a des gens qui peuvent vous commander par internet des produits par exemple. Oui, on a un site internet c'est ça voilà. Parce qu'on est dans l'air du coup peut-être tu peux donner l'adresse du site. Ouais, parce qu'on a dit que c'était la Milpa mais on n'a pas l'adresse du site c'est lamilpa.fr donc c'est la Milpa bon c'est lamilpa.fr voilà www.lamilpa.fr. Ça c'est le donc ouais sur le site il y a pas mal d'infos aussi sur le travail de l'association et puis il y a aussi la possibilité de voir une partie des modèles et puis de commander oui la possibilité de commander. Et du coup il y a aussi dans le sud il y avait des gens dans le sud qui justement chargeaient un petit peu de pouvoir diffuser. Ouais, les marchés en fait puisque ça reste quand même la principale façon dont on vend cet artisanat c'est sur des marchés et donc il y a des marchés enfin il y a une équipe de l'association un groupe de l'association qui est dans le sud des Cévennes qui est basé dans une petite ville qui s'appelle Ganges qui est pas loin de Montpellier. Et donc, par là-bas, entre Montpellier et la Lozère, là, enfin, dans toutes les Cévennes, il y a pas mal de marchés. Toute l'année, il y a différents marchés. Et donc là, je sais que vous allez faire aussi une petite tournée dans le sud. Donc évidemment, nous, on est ici à Paris, donc c'est un petit peu loin, mais il y a peut-être des gens qui voyagent, on ne sait jamais, ou des gens qui connaissent. Vous allez faire des projections de films. Tu veux que j'annonce un peu des. Je sais pas. Est-ce que sur le site. Non, mais est-ce que sur la Milpa, voilà, c'est ça. C'était pour renvoyer les gens. S'il y avait des gens qui étaient curieux et qui allaient être dans la région de Ganges, des Cévennes. Parce que au mois de décembre. C'est important de pouvoir rencontrer, d'avoir des échanges aussi avec les gens directs. Oui, puis c'est aussi un élément qui est important dans le projet de l'association. C'est pas seulement de faire un soutien en vendant cet artisanat, c'est aussi d'informer autant qu'on peut sur l'organisation zapatiste et sur la lutte que mènent ces femmes. Et donc, du coup, on organise aussi des soirées d'information, où on projette des films, où on discute, où on débat avec les gens ici en France, quoi, pour pouvoir un peu faire du bruit autour de la lutte zapatiste et de ces organisations de femmes. Alors, on va faire une petite pause musicale. Ça tombe bien, il fallait qu'on s'approche du micro, on nous a dit. Bon, on fait une petite pause musicale pour la peine. À tout de suite. Et on se retrouve avec. Bungi yo ne menigira lara ma bae 106.3 FPP, la jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL. Donc on est les troisièmes lundis du mois. C'est 19h-20h30 et on est rediffusé pour les matinaux le jeudi matin, 8h-8h30. J'ai toujours un doute là-dessus. Et donc on était avec Guillaume, on parlait de la Milpa et donc il y avait justement de l'artisanat des femmes zapatistes qui distribuent ici en France. Et donc ils profitent également de faire des petites projections parfois pour un petit peu... que ce soit pas juste dans des rapports commerciaux mais qu'il y ait aussi de la diffusion de l'information. Et je parlais de la province, mais en fait il y a aussi des dates à Paris, donc peut-être qu'on va pouvoir vous les donner si vous voulez noter, si ça vous intéresse. Ce sera plutôt centré, peut-être tu peux dire les films que vous allez projeter du coup, parce que... Alors ça, les projections qu'on fait là au mois de décembre, ça sera pas à Paris, c'est en Cévennes. Donc voilà, il y aura une soirée à Ganges. Ouais, t'as bien compris. Pour les dates à Paris, donc c'est des marchés, des marchés de Noël. Le 3 décembre, on sera à Montreuil, au marché des Lumières. Ça s'appelle, c'est à la Maison Ouverte. C'est métro Mairie de Montreuil. Et vous pouvez trouver les infos sur le site de la Milpa. Le 8 et 9 décembre, on sera au marché équitable et solidaire à Bobigny. C'est un marché qui est organisé par Via Le Monde. Donc ça, c'est 2 rue Pablo Picasso, c'est métro Bobigny, Pablo Picasso. Et le 10 décembre, on sera au marché solidaire du CSPCL et d'échange solidaire, enfin au CICP. C'est bien le 10 décembre. C'est bien le 10 décembre, mais tu as dit le 9 et le 10 à Bobigny. Le 8 et le 9. Le 8 et le 9, voilà, c'est ça ce que je me disais. Le 3 décembre à Montreuil, le 8 et le 9 à Bobigny et le 10 décembre au CICP, rue Voltaire, dans le 11e. Voilà, merci Guillaume. Donc il y a Tadio qui est arrivé entre-temps. Bonsoir. Du coup, on a entendu ta voix, parce que tu as participé un petit peu à faire la bonne capsule, là. Bravo, Julie aussi, qui est arrivée, mais qui reste du côté de la technique. On a toujours besoin de techniciens. Et ça fait défaut. Il y a Magali qui est là. Je la remercie déjà. Donc, pour la capsule, du coup, on a déjà un petit peu parlé des prisonniers. Enfin, on n'a pas justement pas trop parlé, puisque vous aviez déjà fait une capsule. Ce n'était pas la peine d'en rajouter. Et donc, en tous les cas, toi, tu as dit bienvenue, bonsoir. Et tu avais envie de nous parler de quelque chose de spécial ou pas spécialement, parce que c'est ça, on n'a pas eu le temps de se préparer. Le morceau a été très court, vous avez vu, on a même pas eu 3 minutes. Ça nous a foutu dedans. Ben non, moi je viens d'un collectif en Suisse italienne, en fait, qui bosse aussi sur la question zapatiste et au Chiapas et au Mexique, sur les luttes pour l'autonomie et pour l'autogestion et tout ça. Et donc ça s'appelle Collectivo Zapatista de Lugano. Et on bosse ensemble avec deux autres réseaux, que c'est le Nodo Solidale di Roma et le collectif Nomads di Bologna, et ensemble on a monté une plateforme qui s'appelle la plateforme Pirata, dans laquelle participent aussi des individus de la France et de l'Espagne notamment. Et ensemble on a monté des projets ensemble pour se coordonner un peu mieux et pour essayer de développer des chemins un peu tout le monde ensemble, à partager des projets et tout ça. Et donc, le mois d'octobre, on s'est retrouvés chez nous en Suisse, à Lugano notamment. On a fait une réunion et on a profité pour organiser des soirées et des actions, notamment des distributions de tracts, des présences, des rassemblements dans les villes. Et on a aussi présenté la traduction d'un livre qui a été publié au Mexique, que c'est la lucha de classe et el trabajo sexual en la otra campagna, que c'est la lutte de classe et le travail sexuel dans la otra campagna, que c'est une publication qui a été réalisée par la Brigada Callejera, que c'est un groupe de femmes et d'hommes qui bossent au DF à Mexico, dans les rues, et ils ont monté ensemble deux cliniques particulières où ils gèrent des problèmes de santé. Ils informent, ils donnent des consultations et aux gens qui bossent, aux filles notamment, qui bossent dans la rue et qui sont présentes avec leur boulot sexuel dans la rue. Et donc, eux, ils font partie de la autre campagne. Ils ont monté ces cliniques et la présence dans les rues. Donc, tout ça avec du volontariat, bénévolement et avec une information, une contre-information où tout le monde peut aller là-bas, s'informer et recevoir des soins que notamment l'État mexicain ne donne pas pour les gens qui travaillent dans ces domaines-là. Et donc, ils ont écrit, ils font partie de la Outre Campagne, ils ont écrit un bouquin qui revendique le boulot sexuel aussi, la présence dans les rues, le fait d'exercer la prostitution comme, pour sortir d'un état de pauvresse, pour sortir d'un état de précarité généralisée au Mexique. Et ils expliquent leur participation dans la Outre Campagne avec des points de vue différents et avec un certain boulot qui, des fois, n'est pas souvent tout à fait accepté ou n'est pas peut-être tout à fait compris. Et nous, on a traduit le livre en italien et on est en train de le présenter un peu partout. Et donc, c'était aussi ça le but des réunions qu'on a fait pour présenter le livre. Et en France, là, il n'y a personne qui est en train de le traduire. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'aussi à niveau des luttes féministes et à niveau des conceptions de certaines choses dans le boulot sexuel, je pense que c'est un autre point de vue. Il faudrait vraiment le voir et s'informer là-dessus parce que c'est assez intéressant, quoi. Et à part ça, après, on a aussi fait des soirées parce que quand même... ce qui se passe au Mexique avec les luttes des différentes communautés, les luttes pour le territoire, pour la défense du territoire et tout ça. En Italie aussi, il y a quelques luttes qui sont en train de se dérouler là-bas. Et on a essayé un peu de faire des présentations, des soirées dans certaines villes en faisant une connexion entre les luttes locales de là-bas avec les luttes du Mexique. Et on a invité les copains de Napoli, de Terzigno, qui luttent contre l'incinérateur là-bas. Et les copains de Roma, qui sont en train de faire une grande lutte pour l'occupation des maisons avec les sans-papiers et les immigrés. Et les gens de la Val di Susa en Italie, à Turin, qui sont en train de lutter contre le train à haute vitesse en Italie. C'est ça, donc ce n'est pas forcément des collectifs liés aux zapatistes avec lesquels vous êtes connectés, c'est un truc plus ouvert et qui réussit un petit peu à essayer de faire ensemble. Et du coup, quand vous parliez, vous aviez des projets communs, c'était quel type de projet vous aviez ? Pendant l'été passé, on a été... Parce qu'on ne bosse pas seulement au Chiapas, donc aussi au Chiapas, mais aussi dans d'autres régions, comme on a vu au DF avec ce projet avec la Brigata Callejera, et aussi dans la région de Oaxaca, où on bosse surtout avec une communauté qui s'appelle Santiago Chanica, qui est une communauté qui s'est plus ou moins déclarée autonome, qui a fait une grande lutte pour reconnaître l'élection avec des usos y costumbres, que c'est une élection en assemblée où les autorités viennent décider par élection directe dans l'Assemblée, chose qui avait été refusée par l'État de Oaxaca, qui avait obligé les habitants de la communauté à faire des élections avec les partis politiques. Donc les partis politiques y sont rentrés. Eux, ils se sont quand même rebellés à ça. Ils ont créé une lutte pour dénoncer et pour finalement arriver à faire l'élection avec usos y costumbres. Et en plus, il y a quand même assez de richesses à niveau naturel, comme l'eau, les terres et tout ça. Et il y a quand même des intérêts assez grands des transnationales et des grandes entreprises qui veulent privatiser l'eau et des ressources naturelles. Et donc la communauté presque entière est quand même s'est soulevée pour empêcher ces privatisations. En plus, il y avait des menaces assez fortes sur la communauté. Et notamment, il y avait un copain qui avait été arrêté il y a 6 ans, Abraham Ramirez Vázquez, avec l'accusation d'avoir tué un agent de police pendant une descente de la police dans la communauté, chose que, avec les preuves, n'a pas été faite. Abraham est resté en prison 6 ans, je pense, dans la prison de Pochutla. Il a été transféré après... et non dans la prison de haute sécurité dans l'état de Oaxaca. Et finalement, il a été aussi avec la pression internationale et les luttes qu'ils ont menées là-bas. Il a été libéré cet été, je pense... c'était à la rentrée, là, je crois. Oui, je pense, quelque chose comme ça. Et, Et nous, on a, justement, je voulais dire ça, pendant l'été, on avait organisé une brigade internationale, on s'est rendu là-bas, on a pris les témoignages de ce qui s'était passé, on est resté là-bas une semaine. Et on a une brigade indépendante, hein. Donc du coup, je le dis, parce que du coup, il y en a régulièrement des brigades. Oui, c'était une brigade indépendante internationale avec des Mexicaines, avec des Italiens, des Françaises, des Espagnols, des Suisses. Et on est resté là-bas 10 jours, plus ou moins, et on a témoigné ce qui se passait. Et on a après publié un dossier qui dénonçait la situation de la communauté. Et donc ça, du coup, là, vous l'avez organisé avec tous ces gens de cette plateforme, enfin, qui est devenue la plateforme là maintenant, puisque c'est plutôt inauguré là, plus concrètement, au mois d'octobre. Oui, oui. Je dis ça parce que du coup, l'idée, c'est un peu ça, c'est vu la faiblesse des comités de solidarité en Europe en général, ou l'essoufflement, du coup, c'est souvent, on parle de rechercher... des liens et des contacts, parce que oui, les luttes se croisent, mais en fait, la réalité, c'est qu'on n'arrive pas beaucoup des fois à dépasser, en tous les cas, nous, en France, à dépasser des fois le carcan. C'est sans doute des mauvaises initiatives, manque d'initiatives, plutôt pas mauvaises, mais manque d'initiatives, parce que du coup, si tu te dis, bon, bah, c'est bien que ça bouge un petit peu, puisqu'on a déjà créé une sorte de Europa Zapatista qui, en réalité, pendant 2-3 ans à fonctionner, où tous les collectifs européens essayaient d'être ensemble quand il y avait une dénonciation et de se rencontrer et de partager et à travers ça de connaître des luttes d'autres pays. Finalement, bon voilà, on est un petit peu essoufflé. Ça, je pense qu'il y a des distances entre des groupes et d'autres et qui font que qu'est-ce que c'est un réseau, comment ça marche, comment ça fonctionne. Je pense que du coup, c'est pas forcément un nom qui te permet d'adhérer à un réseau, mais peut-être plus des modes qui font que tu finiras par te rencontrer et créer un réseau, parce que je pense que là, vous, c'est plutôt par affinité que les gens se sont regroupés, plutôt que parce que justement, ils avaient tous cette même étiquette. Et je pense que du coup, c'est vrai que la question du mode, du rapport à l'autre, justement, de comment tu fais de la solidarité, comment tu... Ben voilà, justement, là, la MILPAC essaye de faire attention à comment elle entre dans un processus de solidarité. Du coup, justement, tu as commencé par dire « échange ». Et là, je pense que... Et du coup, ça, c'est pas mal, dans tous les cas, d'avoir eu accès à ce groupe de travail sexuel, parce que dans l'autre campagne, c'est quand même des femmes, puisque c'est essentiellement des femmes, quand même, qu'on a pu voir. C'est quand même des gens qui viennent couper un grand coup de couteau, enfin, des coups de... tous les clichés, etc., un petit peu, parce que ça, il y a des choses, malgré tout, même quand on est en bas à gauche, là, comme on dit facilement... C'est pas toujours évident de se retrouver en face de compañeros, enfin, je veux dire, au sein de l'autre campagne, où effectivement, il y a toujours cette personne-là prise peut-être un petit peu à part ou d'une autre façon. Et jamais un regard, parce qu'il y a justement une partie de leur vie que je pense on ignore, on connaît pas. Enfin, je dis on, les. Ben voilà, tous de manière générale. Du coup, ce serait bien d'avoir à disposition. Ce document, parce que justement on est un petit peu en manque de documents sur Oui, je pense que même la différence sexuelle, même en bas et à gauche, c'est pas toujours donné, donc ouais. Le respect de ça, c'est pas toujours évident. Et déjà en Europe, je pense que c'est pas gagné, et j'imagine encore plus au Mexique, où quand même il y a encore des choses qui sont peut-être un peu plus conservatrice, non? Et donc, déjà, dans tout le réseau d'en bas en gauche, la présence, parce que ces femmes, la majorité sont des transsexuels, et donc la diversité, même à niveau de sexe, l'expression de cette diversité, c'est pas évident d'amener dans la rue, c'est pas évident même d'amener dans les réunions ou dans les rencontres de la autre campagne, où quand même il y a une mixité, une diversité assez énorme. Donc le fait d'arriver là-bas, de quand même de porter, d'amener une certaine façon de faire, une certaine façon d'exprimer les choses, c'est quand même pas gagné. Donc elles ont fait quand même tout un boulot sur ça, pour démasquer, pour informer, pour gagner tout le respect avec une question de dignité, et pas en disant non, le boulot sexuel, on le refuse. Et on ne le veut pas, donc on n'est ni pour la légalisation, ni pour la prohibition, mais on est pour une condition de boulot avec dignité, avec, pour sortir de la pauvreté notamment, et pour lutter avec, pour nos droits et pour construire notre société à partir de ça. C'est clair qu'elles disent, s'ils n'avaient pas de pauvreté, ils n'avaient pas de boulot sexuel peut-être pour nous. Mais dans la situation dans laquelle nous on vit, c'est quand même quelque chose de différent. Et donc nous, on revendique même le fait où on est, ce qu'on fait. Et on veut continuer dans ça, à lutter et à créer un autre type de société. Et donc même à gauche, c'est quand même des concepts qui ne sont pas toujours... Il n'y a pas un groupe suisse français dans votre plateforme ? Oui, il y a quand même des gens qui participent là-dedans. Et... Non, parce que je me disais, ça se trouve, eux, en français, ils ont... enfin, peut-être que ce groupe-là pouvait avoir l'idée déjà de le traduire, auquel cas, ce n'était pas utile de faire deux traductions et du coup de pouvoir... Mais nous, on l'a réalisé. En fait, on vient de le sortir avec les éditions qu'on a créées comme ça pour la publication. Bah ouais. Et oui, ça serait un boulot, je pense, selon moi. Ça vaudrait, oui, non, mais c'est pour ça que je dis, parce que si on ne va pas faire double travail si jamais il y a des gens qui se sont déjà mis en œuvre. Mais... Et nous, justement, au niveau des collectifs, on a dit qu'on était trois petits collectifs, chacun bossait de son côté, un peu comme ça. Et quand même, à niveau affinitaire, on était assez proches. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire des choses ensemble. Et cette chose-là, c'était... En parlant aussi, de la base, c'était la question de la solidarité. Donc, comment est-ce qu'on veut faire de la solidarité? Où est-ce qu'on veut aller? C'est seulement donner de l'argent ou aussi faire d'autres choses et se positionner différemment? Parce que c'est toujours nous, de l'Europe, qu'on donne la solidarité, mais... Il y a des choses qu'on doit pouvoir récupérer à un moment ou à un autre. Ça ne peut pas être que dans un sens. Et du coup, avoir des paroles, des documents qui nous font réfléchir, réagir et puis qui créent le débat aussi. Enfin, qui ouvrent le débat aussi, même chez... Mais je pense que par rapport au mouvement de résistance, au Mexique, puisqu'on parle de ça... De toute façon, c'est pas possible, de mener des actions de solidarité de manière caritative, quoi. C'est-à-dire de penser qu'on peut débarquer et apporter un soutien ou un projet de développement ou ce genre de truc. Je crois pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. Enfin, on, au sein, par exemple, des communautés zapatistes, ça a été le cas. Hein. Ça a existé aussi ça hein, dans les projets de solidarité, mais ça a été aussi analysé et critiqué par les zapatistes de dire voilà, nous ce qu'on attend c'est pas un soutien financier et de toute façon dans les échanges avec ces mouvements de lutte c'est forcément quelque chose qui... Enfin, c'est une rencontre, c'est un chemin, et c'est quelque chose qui apporte, aux gens, aux étrangers, aux gens de la société internationale qui participent. Quoi. Parce que je pense que l'autre campagne, c'est justement un processus qui a été initié par les zapatistes, qui a vocation à être pris par tous ceux qui luttent. Et donc là, justement, on l'a souvent répété quand même à chaque fois qu'on parle de notre campagne, que c'est pas si évident, effectivement, quand tu as décidé de pas avoir une avant-garde qui dit demain on fait ci, demain on fait ça, c'est comme ça le plan d'action, le capitalisme, on va s'en débarrasser de telle façon. Donc voilà, tout le monde un petit peu cherche, on a bien expliqué avec les zapatistes que c'était chacun son mode, et c'est chacun son mode. Et donc, c'est chacun ses secteurs aussi, parfois. Donc, on a souvent dit que, du coup, il y avait le réseau par rapport aux prisonniers politiques, qui était un réseau autre campagne qui fonctionnait pas mal. On l'a vu, là, justement, sur tous les prisonniers politiques. Et sur la question des indigènes, la question de la terre, éventuellement, des communautés, ça marche un petit peu souvent ensemble. Et du coup, justement, les travailleurs sexuels, moi, pour avoir vécu quelques moments de l'autre campagne, moi, je trouve qu'à chaque fois qu'elles intervenaient, c'était assez fort et en tous les cas, pas dans une provocation gratuite, mais du coup, justement, dans quelque chose de nouveau aussi. Parce que, justement, les paysans qui ont lutté pour la terre, c'est Enfin, voilà, ça, de tout temps, quand tu es paysan, tu as lutté pour ta terre parce qu'on allait forcément te la retirer à un moment. Il y avait toujours. C'est en permanence la question des travailleurs sexuels, de se mettre en lutte, de revendiquer droit et fort ouvertement. Donc, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais du coup, c'est assez nouveau. Mais au Mexique, ça, c'était. Là, dans le cadre de cette autre campagne, c'était quelque chose d'assez. Frappant, et les apatistes eux-mêmes, via le délégué zéro à l'époque, avaient laissé vachement de place justement à ces personnes. Et je l'ai déjà dit une fois à la radio, mais je le redis parce que moi j'ai vachement aimé ce moment où justement c'était réunion de tous les intellectuels pour une nouvelle intellectualité, une autre intellectualité. Et donc pendant toute la journée, les intellectuels qui ont parlé pour dire comment il fallait essayer de penser autrement le monde et puis avoir les mêmes catégories pour penser, où en fait on lui demande ensuite au sous-commandant Marcos, dont tout le monde attend bêtement la parole parce que c'est irrésistible, même s'il y a soi-disant plus de leader. Tout le monde attendait la parole du sous-commandant Marcos et tout à coup, le mec se lève. Et en fait, depuis 2 heures, il y avait des travailleuses sexuelles qui étaient rentrées avec des pancartes silencieuses et tout ça dans l'amphithéâtre. Et finalement, Marcos qui dit plus que mes paroles, pour conclure cette journée, rien ne vaut les paroles des travailleuses sexuelles. Et donc, du coup, il a un petit peu, moi, je pense, dit. Haut et fort, parce que ça, le temps où on en était, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment plus dans le temps d'essayer de penser des nouvelles catégories, de faire des théories, mais vraiment de regarder, écouter, faire, se mettre en action, quoi. C'est, moi, je trouve que, merci de nous avoir donné cette information et peut-être nous essayer de se mobiliser, du coup, pour essayer d'avoir ces témoignages. Donc. Le titre est un peu bizarre quand tu le traduis en français comme ça pour les gens qui ne connaissent pas. Mais on a très peu de minutes. On va finir comme d'habitude avec un hymne zapatiste. Il y a des versions différentes. Mais avant, peut-être tout le monde un petit peu un dernier mot. Puis moi, je rappellerai 3 infos après pour finir. Vous aviez envie de... Ben oui, mais justement, l'essai des groupes et tout ça, c'était un peu de créer cette liaison avec et s'échanger l'information et l'expérience que chaque réalité est en train un peu de faire sur un niveau de territoire. Et c'est pour ça aussi que, juste deux mots, on a essayé de créer des relations entre le Mexique et l'Italie, notamment sur la lutte du train à haute vitesse. Qui veulent construire depuis 20 ans entre l'Italie et la France, Turin et Lyon. Et donc là-bas aussi, c'est une lutte qui, selon moi, me ressemble beaucoup à certaines luttes zapatistes ou des paysans d'Atenco ou de la population de Oaxaca, où quand même une entière population, communauté, se soulève et défend ses terres en laissant la place à tout le monde, où tout le monde peut trouver vraiment sa place. Et c'est une lutte très forte qui est en train de se dérouler là-bas, au nord de l'Italie, surtout du côté italien, mais aussi en France un petit peu. Et il y a des rassemblements permanents depuis des mois, des années, je voudrais dire, avec des actions et des manifestations chaque mois et chaque semaine qui résistent à la construction. Et jusqu'à maintenant, il y a tout un chantier de police qui a été encerclé par les militaires et la police qui aimerait construire le chantier là-bas. Et il y a quand même une résistance très forte. Et la zone a été déclarée récemment zone interdite. Merci Tadio. On va je vous rappelle les rendez-vous. Donc le 10 décembre au CICP, le marché solidaire de 14h à 20h, c'est un samedi. Le dimanche 18, où il y a un concert en solidarité avec les communautés zapatistes pour développer des projets de santé autonome. Et le 10, et puis donc tous les mercredis à 20h30 au 33 rue des Vignoles, l'assemblée ouverte au métro Avron à Paris, tous les mercredis à 20h30. Merci Tadio. Un dernier mot, Guillaume, ou c'est bon? On se voit samedi. Bon, hein, voilà, bon. La Milpa, il y a le site, lamilpa.fr. Et puis pour ceux qui veulent peut-être des informations sur les prisonniers politiques, il me semble qu'il y a un site et c'est libérons-les. Je ne sais pas le. .fr, libérons-les.fr. Donc, du coup, c'est peut-être pas .fr. Bon, libérons-les au moins et vous trouverez. pas du tout.fr. Bon, libérons-les ouais, et puis. Sur un blog, non un voilà, donc vous trouverez quelque chose que des infos là. cspcl.uvinto.org, sinon si vous voulez avoir des infos sur le CSPCL. On vous laisse et on se retrouve le mois prochain, donc troisième lundi du mois de décembre. À plus, à tout bientôt, j'espère. Merci à Magali pour la technique et Tadze Guillaume pour nous accompagner.